Comme je le disais en présentation la semaine dernière, pourquoi se compliquer les choses? Et cette semaine, elles le seront encore moins. Je vous propose le spécial métal des années 80 et les présentations du nouvel album de Decapitated. Voici donc Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui économise ses paroles, parce que qui ne dit mot consent, et je consens à vous traiter d'ignare et de connard. Et ça rime en plus. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. 'Cause I, Pendragon, said so. Go.

c'est le 89.1. Jeudi 25 septembre à 20h, le Nord-Ouest Café reçoit le groupe rock francophone Mini Van Der Glo, qui s'affaire à enflammer le ciel du Québec avec des paroles de béton et des riffs de feu. En première partie, Seb Black. 8$ à la porte. Plusieurs spéciaux sur la 50. Ne manquez pas Mini Van Der Glo, ce jeudi 25 septembre au Nord-Ouest Café. Tes sourires sont des trous, le bon s'adjane dans mon lit. Tous les jeudis matins, deux brunettes très différentes vont essayer de s'entendre pour vous faire découvrir leur style de musique. Un rendez-vous à ne pas manquer. Deux filles, deux styles, une émission, les jeudis, 9h30. Radio Sonic est une émission de découverte musicale éclectique. On y joue des nouveautés, des classiques, en plus de parler de l'actualité musicale. Radio Sonic, tous les jeudis de 21h à 23h sur les ondes de CFOU. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Zitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Zitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Zitel, allez plus loin. Fou de culture! C'est le 89.1. Souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation en ce 23 septembre de l'an de disgrâce 2014. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagne métalliquement et ce jusqu'à 21h. Ce soir, c'est la troisième partie de mon spécial et probablement dernière parce qu'on s'entend que je ne pourrais pas aller au-delà des années 2000 au niveau du métal. Pour bien des raisons qui sont assez évidentes. Mais bref, effectivement, nous faisons un bref survol, je dois dire, relativement concis des trucs qui peuvent être intéressants qui se sont passés dans les années 2000 jusqu'à présent, bien entendu, parce que sinon, je devrais, pour l'explorer dans son entier, je devrais consacrer une année entière à cela, chose que je n'ai pas le temps de faire et que je n'ai surtout pas l'envie de faire. Mais tout de même, dans ce premier bloc, nous avons eu, à l'instant, avant cette pause publicitaire, la défunte formation canadienne Strapping Young Lad et la pièce, l'excellente pièce, c'est une des très bonnes pièces de cette formation, Aftermath, que l'on retrouve sur Strapping Young Lad, qui lui est paru en 2003 sur Century Media. Juste auparavant, Voivod, une autre formation canadienne qui plus est québécoise, et la pièce a donc Wanna Wake Up. Chose que je suis certain bien des gens se disent à chaque matin, et moi aussi souvent le premier, tiré de l'album Voivod, qui lui est paru en 2003 également sur Chop House Record. On sait que c'était l'époque de Jason Newsted. En fait, Jason venait, c'était le premier album qu'il enregistrait avec eux. L'histoire de Voivod aura prouvé que Jason sera parti vers d'autres projets. Et que depuis ce temps, il y aura deux bassistes proprement dit qui auront succédé Jason. Nous avions Hopeth, l'excellente formation de... Ben, en fait, oui, métal progressif. Maintenant, peut-être un peu moins métal, peut-être plus rock progressive. Hopeth est la pièce de Leper Affinity, qui est la pièce d'ouverture de Blackwater Park, qui sont, selon moi, et probablement sans l'ombre d'un doute, leur chef-d'œuvre encore en carrière, qui est apparu sur Music for Nation. Et d'ailleurs, Hopeth viendront nous visiter ici même à Montréal, au Metropolis, le 20 décembre prochain, en compagnie de In Flames et Red Fang. Et nous avons ouvert le bloc avec une excellente pièce de Mastodon, qui donne aussi, ou qui donnait, bon, en fait, selon le comment je pourrais dire, c'est selon le terme qu'on applique encore à cette formation. Mais à l'époque, c'était possiblement métal progressif. Aujourd'hui, je ne sais plus. L'avant-dernier album, c'était progressivement pas mal plate. Le deuxième est progressivement un peu mieux, mais bon. Bref, c'était Sea Beast, c'est tiré de Leviathan, qui là aussi, et ça, j'oserais dire que je ne suis pas seul à le penser, que c'est probablement le meilleur album qu'ils ont fait en 2004 sous étiquette Relapse. Donc ce soir, comme je l'ai dit, c'est la continuité de ce spécial décennie de métal. Cette semaine, c'est la dernière, soit les années 2000, mais il y aura aussi la présentation de... C'est encore très chaud, dernier album de cette formation polonaise qui donne dans un technical brutal death metal. Il s'agit de Decapitated, dernier album Blood Mantra, qui est sorti aujourd'hui même et qui, je vous avoue, je n'ai pas eu le temps d'explorer outre mesure, vite fait. Mais quand même, j'en ai déjà une certaine bonne appréciation qui me fait dire que c'est un excellent album. Vous remarquez d'ailleurs, pour ceux qui sont utilisateurs du site de réanimation, pour ne pas le donner, réanimationad.com, vous verrez que la chronique n'est pas encore faite. Je n'ai pas eu le temps de la faire, bien entendu. Mais cette semaine, ça sera en ligne, assurément, si ce n'est pas d'ici demain. Pour mon appréciation de Decapitated. En fait, ça, je vous en parlerai un peu plus tard dans l'émission, après le prochain bloc, parce que là, pour l'instant, on va aller... J'ai une chronique cinéma aussi, soit dit en passant. Là, on va aller explorer une tendance du métal qui, en fait, le heavy metal, bien sûr, est vraiment la première apparition, la première appellation, proprement dite, de ce métal à la fin des années 70, mais plus, je dirais, de façon précise, vraiment au début des années 80, parce que beaucoup de formations qui à l'époque évoluaient déjà. Il y en a plusieurs qui se sont soit reformées, mais il y en a là-dedans qui ont même persisté avec certaines modifications au niveau des musiciens, bien sûr, mais qui ont persisté jusqu'à aujourd'hui, en 2014. Et d'autres sont simplement ressuscités de leurs cendres. Et il y a aussi d'autres formations qui sont plus jeunes et qui ont décidé d'adapter ce style, qui, personnellement, n'est pas celui que je préfère, je l'avoue en toute humilité et en toute sincérité, mais par contre, il y a des choses que je sais réellement apprécier parce qu'elles sont de qualité. Donc, dans ce bloc, il y a aux trois quarts des formations qui donnent dans le heavy metal plus traditionnel, des fois une tendance un petit peu plus speed. Et la dernière pièce que je vous proposerai est une formation beaucoup plus, c'est plus projet, mais en fait associé à des gens, plus trash proprement dit. Donc, on va entendre formation Hell, Satan, Gravedigger, et je vous parlais d'une formation un peu plus trash. Bien entendu, il s'agit de Toxic Holocaust, qui a fait un très bon album en 2013, Chemistry of Consciousness. Donc, je vous propose quatre pièces qui sont dans un créneau légèrement différent, parce que vous allez voir que le reste de l'émission s'est consacré à des choses un petit peu plus bizarroïdes ou peut-être même plus brutales. Donc, allons-y tout de suite avec une petite cure de repos avec Hell, The Age of Nefarious. Go! Truth be told.

de diversité. 89. Quand on sait que 55% des jeunes de 5e secondaire travaillent et que 43% des élèves du secondaire considèrent le travail aussi important que les études, c'est essentiel de trouver le bon équilibre pour les étudiants, mais aussi pour les employeurs. Saviez-vous qu'au-delà de 20 heures de travail par semaine, le risque d'abandon scolaire augmente considérablement? Il existe 5 règles d'or pour favoriser une bonne conciliation études-travail. Pour les découvrir, visitez le soyonscompères.com. Un horaire équilibré, c'est sensé. Chaque lundi soir, 19h, Frédéric Durand vous présente des figures marquantes et moins connues du rock psychédélique et artistique des années 60 à aujourd'hui. Des chroniques littéraires et cinématographiques viennent également agrémenter cette émission qui souhaite poser un regard critique sur les genres qu'elle aborde. Le voyage insolite, tous les lundis soirs, 19h. Toujours les vendredis soirs, retrouvez maintenant les bonnets rouges de 20h à 21h. T'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly. Eh bien, écoute Ska et Punka tous les jeudis. Non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h, sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. De découverte à Trois-Rivières, c'est le 89.1. h 57 et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show jusqu'à 21h. I am Dr. Pain Pendragon et moi aussi, vous m'écoutez. On vient d'entendre un bloc constitué de ce qui suit. En fait, c'était probablement une des seules formations qui était représentative du thrash metal dans cette survol des années 2000, soit Toxic Holocaust. Je trouve qu'ils font bien les choses au niveau du trash. Ils ont pas eu tendance à réinventer la roue dans le milieu, non. Mais c'est efficace qu'ils font. C'est honnête aussi. La pièce est en Silence que l'on retrouve sur la dernière parution Chemistry, of Consciousness, parue en 2013 sur Relapse. Gravedigger, c'est une des formations dont je parlais tout à l'heure qui a toujours persisté depuis le début de leur création, de la formation, si on veut. Formation qui donne dans un heavy metal traditionnel, mais par moments teinté de doses speed metal. La pièce étant Hell Dog, qu'on retrouve sur un des albums que j'ai bien aimé dans les dernières années du type heavy metal, soit Clash of the Gods, qui est paru en 2012 sur Napalm Records. Satan, ça c'est un exemple de Phoenix. Non pas Phoenix en Arizona, mais bien de renaissance de ses cendres, parce que Satan ont été, pas simplement inactifs pendant presque 30 ans, pour revenir en 2013 avec l'excellent Life Sentence. La pièce étant Time to Die, qui est la pièce d'ouverture de ce très bon album, paru en 2013 sur Listenable Records. Et on a ouvert avec Elle, qui, elle, est une formation qui est aussi un exemple dans ce que je disais tout à l'heure, dans le sens que la formation a été carrément sabordé, si on veut, a été stoppé de toute activité lorsque le premier album devait sortir et puis qu'il y a eu en fait un cafouillage épouvantable. Je crois même que, je ne suis pas certain, il faudrait que je vérifie, je ne voudrais pas m'avancer à dire n'importe quoi, mais je pense que le premier chanteur est mort. Je crois que c'est peu de temps après la perte de cet enregistrement-là ou un petit peu avant, en fait, bref. Ils sont revenus, en fait, plusieurs décennies plus tard avec, parce que c'est la deuxième parution, Curse and Chapter, sont revenus avec un premier album qui a vraiment détonné des masses là, au niveau de la scène métal, avec un heavy metal très professionnel, très bien fait, mais aussi très scénique. Au niveau des spectacles, chose qui manque relativement très souvent au niveau des spectacles maintenant et depuis bon nombre d'années. Bref, la pièce que j'avais retenue était The Age of Nefarious, pièce qu'on a aussi entendue il y a quelques semaines à Rock Classic. 2 semaines, je crois. Je vous parle... quoi? Gustave? Ah, tu es là, Gustave? Qu'est-ce que tu dis? Tu n'aimes pas le heavy metal? Ben, à quelque part, on peut se rejoindre. Je pourrais dire qu'à quelque part, pour une fois, t'as presque bon goût. Tu n'aimes pas le trash metal? Tu n'aimes pas le death metal? Tu n'aimes pas le black metal? Tu n'aimes pas le metal folklorique? T'aimes pas le prog metal non plus. Qu'est-ce que t'aimes? Les Fruit Loops. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec l'émission. Il dit, j'en ai rien à foutre. Il apprend bien, ce Gustave. Merveilleux. Côté cinéma, eh bien, des trucs qui sont à venir au courant du mois d'octobre et qui sont pas nécessairement des productions majeures, mais qui pourraient être fort intéressantes. Je vous parle, entre autres, de Dead Snow 2, Red vs. Dead, qui est la suite du premier Dead Snow, qui est un film étranger. C'est un film allemand, si je ne m'abuse. Non, pas allemand, pardon. Je pense que c'est slave. C'était une mode depuis quelques années, bien sûr, de faire ressusciter le Troisième Reich et les nazis qui vont avec sous forme de morts vivants ou de créatures très hybrides. Mais Death Snow, c'était intéressant, c'était original, c'était sans prétention. Donc le deuxième, Death Snow, Red vs. Dead, et je suppose que le Red ici signifie peut-être les bolcheviks, j'en ai aucune idée. Sort le 10 octobre, évidemment, il va sortir sous façon très restreinte sur grand écran. Vous pourrez probablement plus vous procurer sous forme de Blu-ray DVD. L'autre film qui me semble être intéressant, qui paraîtra le 10 octobre également, c'est The Houses That October Built, qui est un film d'horreur, bien entendu, et qui se passe à la période de l'Halloween. Donc, ce que j'ai pu en voir comme très court extrait semble être bien fait. N'oubliez pas que le 12 octobre, c'est la sortie de la 5e saison de Walking Dead, dont je suis un fan. J'ai vraiment hâte de voir ça. Le 16 octobre, un autre film qui, je peux pas vous en dire grand-chose. Le résumé inspire plus ou moins, mais tout de même, ça vaut la peine de laisser la chance au coureur. C'est The Town That Dreaded Sundown. C'est le 16 octobre prochain. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont sortir aussi éventuellement. Mais évidemment, je ne fais pas la nomenclature de tout ce qui va sortir sur le site de réanimation parce que j'aurais besoin d'en faire à longueur de journée. Écoutez, le 3 octobre, c'est Annabelle. Annabelle, c'est la suite de, la suite. Je sais pas. Disons que c'est une suite, mais j'en parlerai pas plus. C'est la fameuse poupée Annabelle qui a été plus ou moins importante en tant que pièce ou rôle dans le film, l'excellent film dont j'oublie le titre présentement. J'ai vraiment un blanc de mémoire horrible. Je vais vous revenir avec ça. Mais bref, c'est en salle le 3 octobre. J'en ai aucune idée de ce que... J'ai vu les previews, ça m'a plus ou moins inspiré, mais bon, sait-on jamais. Les choses que j'ai écoutées, j'ai pas écouté énormément de choses, mais j'en ai écouté quelques-unes. Je vous avais dit la semaine dernière, je devais vous parler du film « Where », qui est l'abréviatif, bien sûr, de « Werewolves ». Je l'ai écouté. C'est un film qui met en vedette, pour moi, des illustres inconnus, qui est fait par un inconnu aussi, mais qui, finalement, est très peu conventionnel et qui remanie un peu le mythe du loup-garou, du werewolf, si vous préférez, en bon français anglophone, et qui le dénature jusqu'à une limite telle que c'est vraiment initialement une maladie dont certaines personnes rarissimes sont affublées, accablées aussi. Bref, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant dans le sens que c'est très différent de ce qu'on connaît des films traditionnels de loup-garou. Donc, Aware, je lui donnais au vert. J'ai lui donné un 7 sur 10, qui est pas une vilaine note, mais c'est pas à tout casser, mais c'est quand même, ça vaut la peine de, c'est divertissant. Je n'ai pas eu le temps d'écouter The Pact 2, comme je vous avais parlé la semaine dernière. Je n'ai vraiment pas eu le temps. C'était pas une priorité pour moi de voir ça non plus. Peut-être que la semaine prochaine, je pourrais vous en parler plus longuement que présentement. Ça dit rien du tout. au film que j'ai vu, Stare Up, qui est un film, c'est un drame social, c'est un drame criminel, qui est de David McKenzie, que je ne connaissais pas. Par contre, Jack O'Connell, on l'a déjà vu, c'est un film qui est irlandais, qui raconte l'histoire de Eric Love, qui est un jeune délinquant qui entre, je pense qu'il est recouru après, dans une prison à sécurité assez maximale avec des criminels très endurcis, et dont son père est un résident depuis... En fait, son père a passé pratiquement toute sa vie en prison. Donc, c'est très violent par moments. C'est uniquement à l'intérieur de la prison. C'est uniquement entre les échanges des détenus. C'est correct comme film. C'est correct. C'est bien fait. C'est assez honnête aussi. Ça pourrait potentiellement représenter une certaine vérité, j'imagine. C'est très dur par moments aussi. Mais en même temps, ça peut nous montrer qu'est-ce qu'une micro-société dans une société elle-même peut avoir comme, malfunction, je trouve pas comment le dire en français, dysfonctionnel, voilà, par rapport à une société qui l'englobe, qui elle-même est très dysfonctionnelle. Je lui ai donné un 7 sur 10, c'est intéressant, Stare Up, c'est disponible là, facilement en Blu-ray DVD. Oui, ça peut être intéressant si vous aimez les films qui sont par moments assez crus. Autre truc, c'est le film que je vous conseille de voir ou de revoir cette semaine. C'est la suite de ce que je vous avais déjà parlé il y a un certain nombre de semaines, pour ne pas dire de mois. Je vous ai parlé à l'époque de 28 Days Later, un film de 2002. De 2001, par contre. Là, je vous propose 28 Weeks Later, qui est la suite, qui est un film d'horreur, de contagion, grosse connotation sci-fi, science-fiction, qui est un film de Juan Carlos Fresnadillo, que je ne connais pas du tout. La suite est moins bonne que le premier, mais elle est quand même fort intéressante, s'il se passe 6 mois après... La première contagion qui a décimé l'Angleterre puis qui l'a transformé en population monstrueuse et fort sanguinaire. Et les forces américaines sont débarquées et puis on tente de reconstituer le pays peu à peu à l'abri de murailles et ainsi de suite. C'est intéressant, c'est bien fait, c'est encore là, c'est non conventionnel. 28 Weeks Later, je pense que c'est un film, si vous êtes amateur de l'amalgame du film de contagion, je dirais pas nécessairement zombie directement, là, mais de contagion, l'amalgame entre horreur et science-fiction, ça fait un bon travail. Et ça met en vedette Jeremy Renner et Rose Byrne, que l'on connaît pour avoir vu dans plusieurs autres films. 8 sur 10 pour cela. Maintenant, c'est la portion musique avec présentation d'une nouveauté cette semaine qui est, ma foi, il ne pourrait pas être plus fraîche que cela. Je l'ai cueilli ce soir dans mon jardin décédé. Dans mon jardin décédé, voilà. Il s'agit de Decapitated. Decapitated, qui est une formation death metal qui vient de Pologne et qui en est à son 6e album complet studio, Blood Mantra. Ce n'est plus nécessairement la même formation au niveau des membres, bien entendu, parce que là, on sait qu'il y a un des membres qui est décédé il y a un certain nombre d'années dans un accident d'autobus, je crois. Donc, on retrouve le guitariste Vogg, un des seuls membres original en place. Les autres membres sont tous là depuis au niveau du vocal de 2009. Et on parle de 2012 et 2014 pour le batteur et le bassiste 2012. J'attendais avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de hâte, devrais-je dire, cet album, Blood Mantra. Et pour ce que je disais comme en préambule d'émission, j'ai pas eu le temps d'en faire une grande exploration, mais ce que j'ai entendu jusqu'à présent, j'ai trouvé ça vraiment bon. Vraiment bon. La chronique est à suivre pour cette semaine de Blood Mantra sur le site de réanimation. Et je crois sincèrement que je vais lui donner un minimum de 8.5 sur 10. Les choses pourraient se transformer avec des écoutes à répétition. Mais bref, pour l'instant, je vous propose 3 pièces tirées de Blood Mantra. Les 3 premières pièces qui sont Exile Unfleshed, The Blasphemous Psalm, To the Dummy God Creation. Et selon moi, jusqu'à date, celle que je trouve étant la meilleure, Veins Decapitated. Go! c'est le 89.1. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis, en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Écoutez, ma petite madame, votre char, c'est une perte totale. C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi le 29 septembre, venez voir les Verts et les Rouges s'affronter dans un grand duel de blagues et d'émotions fortes. 20h, Chasse-Galerie, gratuit. Ça fait un certain temps que tu bûches sur tes études? Tu finis ton certificat, ton bac ou ta maîtrise en juin 2015, procure-toi ton guide de survie à la diplomation et participe aux activités organisées par le Bureau des diplômés de l'UQTR. 18 000 $ en prix à gagner. En tout, 9 mois d'activité, une par mois durant toute l'année scolaire. Pour plus d'infos, uqtr.ca/diplôme/guide de survie. Première activité, concours de selfie UQTR, du 15 septembre au 17 octobre. Seul ou avec d'autres finissants de l'UQTR, prends-toi en photo sur le campus avec le logo de l'UQTR et publie ton selfie sur Facebook dans la page des diplômés UQTR en indiquant ton nom et ton programme d'études. Cours la chance de gagner un des trois prix de 200 $ parmi tous les égaux portraits reçus. Vite! Mets la main sur ton guide de survie à la diplomation. Fou de diversité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. h 24 et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show pour encore, ma foi, presque 36 minutes. Décapitateur de trois pièces tirées de ce nouvel album Blood Mantra qui est paru aujourd'hui même sous étiquette Nuclear Blast. On a entendu les pièces of Veins, c'est vraiment excellent. Précédé de Blasphemous Psalm to the Dummy God Creation et en ouverture d'album, également Exile in Flesh. Je le recommande pour les amateurs de death metal. C'est une bonne acquisition. C'est un bon album. C'est bien fait. La production est excellente aussi. Comme je disais tout à l'heure, possiblement un 8.5 sur 10. Peut-être que ça va être plus. Je sais pas. Il faut que je me propose encore quelques bonnes écoutes complètes pour arriver au bout de ces 46 minutes 9 secondes que comporte, que compose ces 9 pièces de ce nouvel album. Aussi, chose intéressante à surveiller dans les prochaines parutions, l'album pour Exodus le 10 octobre, nouvel album pour Obituary le 27 octobre prochain, Orange Goblin 7 octobre avec Back from the Abyss. Moi, je suis fan d'Orange Goblin. Faut aimer le genre un peu plus stoner metal pour l'apprécier, mais c'est vraiment excellent. Revocation, nouvel album, Deathless, le 14 octobre, et Abysmal Down, qui donne dans un Brutal Death Metal, c'est le 24 octobre prochain. Côté spectacle, eh bien, Voices from the Dark 2014, c'est annulé. Comportait Belphegor, Rotting Christ, Beheaded et Svartkron, c'est annulé. Le remboursement des billets se fait au point d'achat. Le vendredi 10 octobre à 19h au Théâtre Coronet, c'est le retour de Dayside en compagnie de Septic Flesh, Abysmal Down et Karak Angren. C'est au coût de 25$ et 30$ taxes incluses à la billetterie du Théâtre Coronet, Elvity en compagnie de Tyr et Metsatol. Metsatol, voilà, c'est ça. Le samedi 18 octobre prochain à 20h au Théâtre Corona, 25$ et 30$, encore une fois la billetterie du Théâtre Corona. Arch Enemy, Creator, Huntress, Starkill. C'est le lundi 27 octobre prochain à 19h au Métropolis. Au coût de 30 et 43 et 34,78 plus taxes. Ticketmaster, il y a des billets VIP en vente sur le site de BCI, parce que ce sont des présentations Brave Concert International. Et Carnival of Death, version 2014, mettant en vedette Cataclysm, Suffocation, Jungle Rot, Pyrexia, Eternal Bleeding. C'est lundi le 3 novembre prochain à 18h au Fofones Électriques, au coût de 22$ et 25$, taxes incluses. Maintenant, depuis la semaine dernière, il y a une nouvelle émission qui suit Réanimation à compter de 21h, qui porte le titre de Progression chaotique. Donc, je vous invite à demeurer sur les ondes de C'est fou parce qu'il y a une continuité métal après Réanimation maintenant. Donc, à compter de 21h, c'est Progression chaotique. Aussi, si on parle de C'est fou, eh bien, ce vendredi 26 septembre à Rock Classic, dont je fais partie depuis... Peut-être trop longtemps pour Rockmaster, sait-on jamais. Eh bien, il y aura plusieurs trucs pour vous autres. Évidemment, il y aura des présentations de nouveaux albums qui sont entre autres tirés de nouvel album de Zodiac, de In Flames, Blood God, une découverte pour la Rockmaster au niveau d'une jeune formation heavy metal, King Gizzard and the Lizard Wizard, Eight Person, les groupes obscurs. Le Rockmaster vous proposera moi, un peu moins, parce que c'est son, vraiment son dada de vous proposer des trucs complètement obscurs. Une formation, des années 70 qui porte le nom de Left Hound. Et une face complète, non pas seulement de un, mais de bien deux albums viniques classiques qui sont parus 35 ans, soit Dream Police Cheap Trick et Joe's Garage de Frank Zappa. Donc, pour les amateurs de vrai rock, les vrais amateurs de vrai rock, eh bien, retrouvez-nous dès 11h ce vendredi pour Rock Classique. En attendant tout cela, la semaine prochaine, je vais vous proposer l'album marquant du mois de septembre, qui est un album de Coroner, qui porte le titre de Punishment for Decadence, qui est paru en 1988, et je vous proposerai aussi l'exploration d'un album que Sinistros m'a chaleureusement recommandé et auquel j'ai écouté ses conseils. Il s'agit de Mahat et c'est une excellente formation. Je vais vous le dire, je crois que c'est même une formation italienne, allemande, pardon. L'album étant As We Create the Hope from Above, une formation dans un death metal très conceptuel à tendance ancienne Égypte. Donc, nous l'explorons ensemble la semaine prochaine. Maintenant, continuons ce spécial survol des années 2000. Et ça fait drôle de dire ça, survol des années 2000. J'ai l'impression d'animer une émission pop, ce qui n'est pas le cas du tout. Allons-y cette fois-ci avec... formation qui est très originale, qu'on a eu la chance de voir, entre autres, au Metal Fest il y a de ça quelques années. Je parle de formation originellement de Jérusalem, maintenant plus des Pays-Bas, Marrakech. On va entendre aussi du Gojira et du Septic Flesh. On va faire une intervention, on va te poursuivre. Donc, tout de suite, allons-y avec Marrakech, Goal of Nineveh. Go! Seth from Septic Flesh. You are listening to Reanimation, the Undead Incorporated show on CFOU 89.1 FM. Et la pièce d'ouverture de l'album The Great Mass, excellent album, l'avant-dernier, The Vampire from Nazareth. C'est paru en 2011 sur Season of Mist, c'est vraiment excellent. Juste auparavant, nous avions la pièce d'ouverture également de L'Enfant Sauvage, la dernière apparition de cette formation française, Gojira, paru en 2012 sur Roadrunner. Ça aussi, c'est excellent. Très bon spectacle aussi en passant Gojira. Et Melekesh, Goal of Nineveh, pièce d'ouverture aussi de cet album des Hippies de Genesis qui est paru en 2010. Et selon ma mémoire, je pense que c'est toujours le dernier album en ligne de Melekesh. La semaine prochaine, comme je vous disais, présentation de l'album classique. L'album classique, qu'est-ce que je dis là? J'ai une déformation croque classique, justement. L'album marquant, soit Coroner, l'album Punishment for Decadence de 1988 et l'album de Mahat, qui As We Create the Hope from Above, formation death metal conceptuel, forte tendance Égypte antique. Aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, restez des nôtres parce que dans moins de 10 minutes, c'est Progression Chaotique qui prendra les ondes pour la deuxième émission. Et moi, je serai la semaine prochaine, bien entendu. J'aurai peine à vous passer tout ce que j'avais préparé pour vous pour cette dernière partie de l'émission. Mais bon, on devrait bon pour se laisser minimalement sur presque deux pièces, ce soit Immolation, Majesty and Decay, pièce titre de cet album paru en 2010, et une pièce de incontournable, selon moi, Meshuggah, The Devil's Name is Surveillance, qu'on retrouve sur Colossus, paru en 2012 sur Nuclear Blast. Sur ce, comme le dirait mon ami Gustave qui est parti faire dodo, ah, le gentil fantôme, allez tous vous faire foutre. Ciao.